La litanie en bloc, elle navigue au loin sous les cils, à 100 lieues de se douter que les silences et la jalousie la guettent. Elle oublie la liste et l'allonge encore, elle veut s'isoler. Et alors elle s'absorbe dans la contemplation de ses pieds. Son doigt décrit dans l'air des étoiles ou bien des éclairs. Elle ignore si superbement les sentiments, les aléas de l'amour. Elle s'avance vers la fenêtre, abandonnée, lascive, et elle couvre le ciel de mille signes étranges et inconnus de tous. Cette bulle pleine de rien voulait se crever en faim.